Chapitre deuxième. Après la marquise, la première personne que le médecin trouva sur son passage fut le juge d'instruction. « Eh bien, docteur, puis-je voir le blessé ?»« Non, monsieur. Il faut que je l'interroge. En ce moment, il faut qu'il repose. » Une discussion rapide mais vive s'engagea sur ce mot. Le médecin ne céda pas, son malade lui appartenait. Bien que le crime eût été commis sur une commune de l'arrondissement de Versailles, et que par conséquent M. le Méauté n'eut pas qualité pour procéder à une instruction régulière en dehors du ressort de son tribunal, il voulait néanmoins, en attendant ses confrères de Versailles, qui l'avaient fait prévenir, commencer dès maintenant une sorte d'enquête qui put servir de base aux recherches de la justice. « À quoi bon ?» dit Serkis Pacha, en le voyant se dépiter de ne pouvoir pas interroger immédiatement le colonel. « Comment ? À quoi bon ? Puisque l'assassin est mort, le colonel a simplifié votre travail. » Et ses complices? Où voyez-vous des complices? Je n'en vois pas, mais il peut en exister, et c'est là précisément ce que l'instruction doit rechercher. Cet homme n'était pas très probablement un simple voleur de grand chemin, qui, rencontrant un voyageur convenablement vêtu, a eu tout à coup l'idée de se jeter sur lui pour l'assassiner et le dévaliser. Pourquoi cela ne serait-il pas? Est-ce qu'il n'y a pas des voleurs de grand chemin en France? Il y en a partout. Cependant, je ne crois pas à ce voleur de grand chemin. Le colonel a dû être suivi depuis Paris par un homme qui le connaissait et qui cherchait un endroit favorable pour l'attaquer. Cet endroit, il l'a trouvé dans la forêt. Sur cette route, en ce moment déserte, et l'attaque a eu lieu. Tout d'abord, elle a surpris le colonel, mais il s'est bravement défendu. Oh, bravement, nous n'en savons rien, il me semble. Utilement, si vous aimez mieux, puisqu'il a tué celui qui voulait l'assassiner. C'est un roman, cela. Peut-être. Cependant, il y a bien des probabilités pour que ce roman soit la vérité. Vous voyez donc qu'il est indispensable de savoir quel est cet homme et que sa mort, loin de simplifier notre travail, comme vous le dites, le complique. Vivant, nous aurions pu l'interroger, tandis que maintenant, nous ne pouvons que constater son identité. Mais quand nous saurons qui il est, ce sera un point de départ pour arriver à découvrir ceux qui ont armé son bras. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il se soit armé tout seul? Je ne veux qu'une chose, chercher. C'est pour cela qu'il y avait urgence à interroger le colonel, pour voir si ses explications confirmeraient mes soupçons. Mais puisque le médecin ne le veut pas, je vais commencer par visiter le lieu du crime. Il est possible que je connaisse l'assassin. J'ai déjà vu comparaître devant moi tant de brigands. Bonne chasse. Nous dînerons sans vous, mon cher juge. » Alors, prenant la voiture qui avait apporté le colonel au château, le juge d'instruction se fit conduire dans la forêt. Monsieur le Méauté n'eut pas besoin des explications du cocher pour trouver la place où la lutte avait eu lieu. Des taches de sang faisaient de larges plaques noires sur la poussière blanche, et le gazon des bas-côtés conservait les empreintes des corps qui avaient foulé l'herbe. « Et mon mort ? » s'écria le cocher. « Où est mon mort ?» Le mort avait disparu. « Où aviez-vous placé le cadavre ? » ?»« Je l'avais traîné là, sur le gazon, pour qu'il ne fût pas écrasé par les voitures qui passeraient. » Le juge d'instruction se demanda si les complices de l'assassin n'avaient pas enlevé le cadavre, afin d'entraver les recherches de la justice. Mais un paysan venant de Fourqueux le rassura à ce sujet. Peu de temps après que la voiture qui emportait le colonel blessé s'était éloignée, des voituriers avaient passé sur le lieu du crime et trouvant un cadavre dans l'herbe, ils l'avaient chargé sur leur voiture pour le porter à Fourqueux. Ignorant ce qui s'était passé, ils croyaient que le corps était celui d'une victime et non celui d'un assassin. Comme il était chaud encore, ils espéraient que dans le village, on pourrait le rappeler à la vie. Mais on ne l'avait point rappelé à la vie, et le paysan venait de le voir, mort, à la mairie de Fourqueux. Aussitôt, le juge d'instruction, remontant en voiture, partit pour Fourqueux. L'assassin était étendu sur un lit de paille, roide, les yeux démesurément ouverts, les traits du visage contractés par une grimace horrible. Une écume rougeâtre s'était coagulée autour de ses lèvres qui laissaient voir sa langue à moitié sortie et serrée entre les dents. Monsieur le Méauté regarda longuement cette tête énergique que la mort avait convulsée. Mais sa mémoire, qui n'oubliait pas, ne lui rappela pas qu'il eût déjà vu cet homme. Pour lui, c'était un inconnu. Seulement, avec la pratique d'un juge d'instruction qui connaît les criminels, il eut la certitude que c'était un bandit. Il donna l'ordre qu'on le fouillât. On ne trouva dans ses poches que 6 pièces de 5 francs et quelques pièces de menue monnaie. Pas de portefeuille, pas de papier. Le linge n'était pas marqué, le chapeau ne portait pas inscrit dans sa coiffe le nom du chapelier qu'il avait vendu. Donc, pas un seul indice qui put inspirer les recherches, si ce n'est cette absence même d'indice qui donnait une sorte de témoignage pour affirmer que les précautions avaient été bien prises par des gens connaissant leur affaire. Puisque c'était un voleur de profession, il devait être connu de la police de sûreté. Monsieur le Méauté, restant à Fourqueux, envoya son cocher à Saint-Germain porter au télégraphe une dépêche adressée au chef de la police de sûreté pour lui demander un agent de police qui connut bien les repris de justice et les forces à libérer. Puis, en attendant que cet agent arrivât, il s'installa à la mairie et fit comparaître devant lui les gens du village qui pouvaient savoir quelque chose. Ses pressentiments, tels qu'il les avait expliqués à Serkis Pacha, se trouvèrent bien vite confirmés par les témoignages qu'il recueillit. 10 paysans avaient vu passer le colonel, puis, peu d'instants après, l'homme qui était étendu mort. La femme à laquelle le colonel avait demandé son chemin va raconter comment, à une courte distance de la maison, le monsieur qui l'avait parlé et qui était bien poli s'était retourné comme qu'il irait pour voir s'il n'avait pas quelqu'un sur les talons. Ainsi, il ne s'était pas trompé. Le colonel avait été suivi. L'assassin venait de Paris. C'était à Paris que le crime avait été préparé. C'était à Paris qu'était la tête qui avait combiné ce crime. L'assassin n'était sans doute qu'un instrument. La préméditation était donc pleinement prouvée. Maintenant, ce qu'il restait à trouver, c'était le mobile du crime. Dans quel but avait-on voulu assassiner le colonel? Pour le voler, cela était possible. Il n'était pas du tout déraisonnable d'imaginer que des voleurs, ayant appris par les journaux la grande situation de fortune du colonel, eussent eu l'idée de l'arrêter et de le dépouiller. Un homme qui perd des centaines de mille francs au jeu et qui les paye séance tenante porte de grosses sommes sur lui. Il est donc bon à voler. Pour cela, il n'y a qu'à le trouver dans un endroit désert, loin de tout secours, et à se jeter sur lui. En le suivant adroitement, on est certain de rencontrer un jour ou l'autre une bonne occasion. On avait donc pu le suivre et se jeter sur lui pour le voler. Mais d'un autre côté, on pouvait aussi avoir eu d'autres raisons pour le frapper. La vengeance, un intérêt quelconque à le faire disparaître. Mais le juge d'instruction sentit très bien que sur ces derniers points, il ne pouvait se livrer qu'à des conjectures sans fondement. Pour savoir s'il y avait des gens ayant un intérêt à faire disparaître le colonel ou animé de sentiments vindicatifs contre lui, il fallait interroger celui-ci, et ce serait seulement après qu'il aurait parlé qu'on aurait à rechercher si ses ennemis ou ses rivaux étaient capables d'avoir préparé ce crime. Jusque-là, il était inutile de s'engager dans cette voie. Ce fut seulement à 8 heures du soir que l'agent de la sûreté arriva à Fourqueux. Conduit devant le mort, il n'eut pas besoin de le regarder longtemps pour le reconnaître. « C'est Nicolas, dit-il, plus connu sous le nom du Tonquin, qu'on lui a donné parce qu'il ressemble à un cochon. » L'agent salua. Ce nom et ce surnom n'apprenaient rien au juge d'instruction qui n'avait jamais entendu parler du Tonquin. Il interrogea l'agent. « Si monsieur le juge d'instruction avait été à Paris il y a 8 ans, répondit celui-ci, il aurait connu le Tonquin. C'est à cette époque que je l'ai arrêté. Il avait déjà été condamné 2 fois par contumace pour vol avec effraction et escalade. Alors nous l'avons fait condamner aux travaux forcés à perpétuité pour tentative d'assassinat sur un voiturier qu'il avait attaqué de nuit sur la route de Saint-Denis. Une affaire mal emmanchée, mal exécutée, qui l'a fait pincer tout de suite. C'était un homme d'exécution, bon pour un coup de main, mais pas de combinaison, pas de composition. Selon vous, il n'aurait donc pas pu préparer un crime avec une certaine adresse, ni de longue main? L'exécuter avec vigueur, oui. Le préparer habilement, non. Aussi, ce n'est pas lui qui a combiné son évasion de Cayenne. On le croyait mort. Mais il était si solide qu'il aura échappé là où les autres ont succombé. Êtes-vous certain de le reconnaître et de ne pas vous tromper? Après 8 années, il est bien permis de faire une confusion. Après 20 ans, après 50 ans, je l'aurais reconnu du premier coup d'œil. Est-ce qu'on oublie une face pareille quand on l'a vue une fois? Au reste, il y a une chose qui va vous prouver que je ne trompe pas. Le Tonquin est marqué d'une tache de lit de vin sur l'épaule droite. Si nous trouvons cette tache sur ce cadavre, c'est bien le Tonquin, n'est-ce pas? Cherchez la tache, alors. En un tour de main, l'agent eut mis l'épaule à nu. La tache de lit de vin qu'il avait annoncée ne se trouvait pas sur l'épaule. Seulement, à la place qu'il avait désignée, on voyait une cicatrice rugueuse, grande comme la main. « Ah! Le brigand !» s'écria l'agent. « Il a dénaturé son signalement. Mais c'est égal. La cicatrice vaut pour moi la tache de vin. C'est Nicolas, je vous jure que c'est Nicolas. » Si vous êtes certain de le reconnaître, c'est bien. Je peux l'affirmer aussi bien que j'affirmerai que l'invention de la cicatrice est du fait du Fourrier. À ce nom, le juge d'instruction leva vivement la tête. Le Fourrier. Cet homme était en relation avec le Fourrier. Ils ont été compagnons de chaîne à Toulon il y a 8 ans. Depuis 8 ans, se sont-ils revus? Ma question est très importante. Malheureusement, je ne peux pas y répondre présentement. Le Fourrier s'est évadé au moment où on allait s'embarquer pour Cayenne, tandis que c'est des îles du Salut que Nicolas s'est sauvé il y a environ 18 mois. Depuis cette époque, se sont-ils revus? Je n'en sais rien. C'est ce qu'il faut savoir. Dame, monsieur le juge d'instruction, cela n'est pas facile. Celui-là qui est mort ne peut pas parler, et le Fourrier, vous le savez, est introuvable. Eh bien, il faudra le trouver. L'agent secoua la tête. À mon retour à Paris, continua le juge d'instruction, je verrai monsieur le préfet de police et nous aviserons. Je n'admets pas qu'un homme tel que le Fourrier habite Paris et qu'on ne puisse le trouver. Le nom du Fourrier, prononcé par hasard, avait ouvert une nouvelle voie au juge d'instruction. Ce n'était plus la vengeance qui avait été le mobile de l'assassinat, et ce n'était plus le vol seul. Monsieur le Méotet n'avait rien oublié de ce que le colonel lui avait dit à propos d'Anatole Chamberlain. Ainsi, il se rappelait parfaitement que celui-ci était le cousin germain du colonel, et par conséquent qu'il était apte, en cette qualité, à recueillir un jour une part quelconque de cette immense fortune, si le colonel venait à mourir sans enfant ou sans avoir pu faire son testament. Pourquoi n'aurait-il pas voulu hâter ce moment? Pourquoi, dans ce but, ne se serait-il pas adressé au Fourrier? Et pourquoi celui-ci, qui avait pour système de ne rien faire par lui-même, n'aurait-il pas chargé de l'assassinat son ancien compagnon de chaîne? Monsieur le Méotet revint à Chalençon en étudiant ces différentes hypothèses qui semblaient s'appuyer sur de solides probabilités. Assurément, c'était là qu'il fallait chercher la vérité. Anatole avait eu l'idée du crime. Le Fourrier l'avait combiné, le Tonkin l'avait exécuté. Il y avait donc trois coupables. L'un étant mort, il en restait deux à prendre, mais pour cela, il fallait avant tout obtenir les preuves de leur accord et de leur culpabilité. Lorsqu'il arriva au château, il y trouva ses collègues de Versailles. Mais comme le colonel était toujours dans le même état, ceux-ci n'avaient pu recevoir sa déposition. Ce fut seulement le lendemain matin que M. le Méotet put pénétrer dans la chambre, et encore fallut-il pour cela qu'il engageât une véritable discussion avec le médecin. Le colonel était bien faible encore, pâle comme les draps de son lit, mais enfin, il pouvait entendre ce qu'on lui disait, et il pouvait répondre. Il raconta donc en quelques mots les péripéties de la lutte qu'il avait dû soutenir contre son assassin. « Si je ne l'avais pas tué, il est bien certain qu'il m'achevait, » dit-il. « Sans ses menaces, j'étais perdu. C'est par sa jactance que j'étais sauvé. Je n'ai eu conscience de mon état que parce qu'il a commis la sottise de m'avertir. Et il était temps. Je ne le voyais déjà plus qu'à travers un brouillard. Alors j'ai réuni ce qui me restait d'énergie et d'intelligence dans un dernier effort, et j'ai frappé. Si j'avais manqué mon coup, j'aurais été incapable d'en donner un second. » Le premier a suffi et je peux vous dire qu'il a fait l'admiration du médecin qui a procédé à l'autopsie. Pauvre diable. Ne le plaignez pas, c'était un brigand des plus dangereux. Vous savez qui il était? Un agent que j'ai fait venir de Paris l'a reconnu pour un forçat évadé de Cayenne, nommé le Tonkin. Un voleur, alors qu'il n'en voulait qu'à ma bourse. Le juge d'instruction remarqua que le colonel avait prononcé ces quelques mots avec une sorte de satisfaction, comme un homme qui éprouve un soulagement à être débarrassé d'une pensée pénible. « Vous ne vous connaissez pas d'ennemis, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Pas de gens qui aient un intérêt à vous faire disparaître. » Le colonel se troubla un moment, car cette question du juge était à peu près celle qui lui était venue à l'esprit, lorsqu'il s'était demandé pourquoi cet homme le suivait. Mais il se remit bien vite. « Je ne vois pas pourquoi on aurait voulu me faire disparaître, tandis que je vois très bien l'intérêt qu'avait ce pauvre diable à me dévaliser. Vous croyez donc que le vol seul était le mobile de cette attaque ?»« Parfaitement. » Eh bien, je vous demande la permission de trouver autre chose que le vol dans cette tentative d'assassinat. Vous croyez que le vol était le principal et l'assassinat l'accessoire. Moi, je crois que l'assassinat était le but et que le vol n'aurait été qu'un incident. Je ne vous comprends pas. C'est que vous ne savez pas que ce forçat, ce Tonkin, votre assassin, enfin, a été le compagnon de chaîne du Fourrier. Le Fourrier? Oui, le Fourrier, dont je vous ai parlé, le Fourrier, qui, vous devez vous le rappeler, est en relation d'amitié et d'intérêt avec une personne qui vous touche par des liens de parenté. Cela ne vous dit rien, mais... Eh bien, cela me dit à moi que le Tonkin a été l'instrument du Fourrier et que celui-ci a été l'associé de quelqu'un qu'il faut bien que je nomme, Anatole Chamberlain. C'est impossible. Si vous mouriez, Anatole Chamberlain serait l'un de vos héritiers, n'est-ce pas? Et votre fortune est assez grande pour tenter les cupidités. Croyez-vous impossible que votre cousin, qui n'est pas, vous le savez, une conscience bien solidement trempée, ait voulu jouir de cette fortune? Ayant eu cette idée, croyez-vous impossible que le Fourrier aidant, il soit arrivé à préparer le crime dont vous avez failli être victime? Mais assurément, je le crois. s'écria le colonel. Et je vais plus que le croire, je prouve le contraire, c'est-à-dire le mal fondé de vos suppositions. Et comment cela, je vous prie? Anatole n'est pas en France, on vous l'a dit. Je l'ai conduit moi-même au Havre samedi soir et j'ai accompagné le vapeur jusqu'à la jetée. Il n'a pas pu débarquer, soyez-en certain. Voyez donc qu'il n'est pour rien dans ce crime. Je vois tout simplement qu'il s'est arrangé adroitement pour se créer un alibi. Ne devant pas commettre le crime lui-même, il était tout naturel qu'il voulait être loin de Paris au moment de l'assassinat. Cette absence faisait sa défense. Je n'étais pas là, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Nous connaissons ces moyens de défense. Ce sont ceux qu'emploient les gens auxquels les crimes profitent, lorsqu'ils ont une certaine habileté. Or, je vous l'ai dit, le fourrier est très habile. Mais ce n'est pas Anatole qui a eu l'idée de ce voyage en Amérique. On vous l'a dit. Je lui ai fait presque violence pour l'embarquer. Ceci est un degré d'habileté en plus, mais ne change pas mon idée. Si je ne l'avais pas entraîné, il ne serait assurément pas parti. Quand je l'avais décidé, il faisait un nouveau retour en arrière. Alors, c'était la défense in extremis d'une conscience aux abois. Il ne faut pas croire que les criminels soient complets en tout d'une seule pièce. Pour beaucoup, grâce à Dieu, un assassinat ne s'arrange pas comme une partie de plaisir. Il y a des luttes, des hésitations, des défaillances. Anatole, qui est jeune, a dû passer par là. Vous avez assisté à ses hésitations, à ses défaillances. Voilà tout. Au lieu de prouver son innocence, elle prouve à mes yeux sa culpabilité. Soyez sûr que le crime a été arrangé comme je viens de vous le dire, et je me fais fort de vous le démontrer dans un temps déterminé. Oh, je vous en prie, si par impossible vous obteniez cette preuve, gardez-vous de me la donner. Je ne suis pas de ceux qui courent après la certitude. Je ne veux pas savoir s'il est coupable, et lors même qu'il le serait, je voudrais l'ignorer. Malheureusement, mon cher colonel, l'affaire ne vous appartient pas, elle est aux mains de la justice, et il faut que l'instruction suive son cours.